À l'occasion des 23 ans du décès du président Kim Il-sung, l'Association générale des Coréens en Chine et ses formations affiliées ont organisé des cérémonies. Le vice-coron, les permanents de l'Association générale des Coréens en Chine et de la Société du district de Jilin, les personnalités du gouvernement populaire de la province de Jilin et du lycée Yuen de Jilin se sont réunis pour déposer la corbeille de fleurs devant la statue en bronze de Kim Il-sung érigée dans l'enceinte du lycée. Ce jour-là, les permanents de l'Association générale des Coréens en Chine et les membres de la Société du district de Liaoning ont visité le consulat général coréen à Shenyang pour déposer la corbeille de fleurs devant le portrait en pied du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il qui se trouvent ensemble. Le 7, le président de la Société centrale et méridionale de l'Association générale des Coréens en Chine et les citoyens coréens résidant à Pékin ont déposé la corbeille de fleurs devant les portraits en sourire de Kim Il-sung et de Kim Jong-il à l'ambassade coréenne en Chine avant de rendre hommage.